نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va commencer maintenant le cours numéro 14 dans la lecture du livre du Sharh de la Aqidah, l'explication de la Aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Et c'est l'explication de son livre qu'il a fait lui-même. C'est-à-dire, il a écrit le livre Aqidah Ahl al-Sunnah, puis il a fait par la suite l'explication de son livre. Et c'était bien entendu à l'origine, ça, à la base c'était des audios. Ça, c'est le livre de base qui a été traduit en français. Puis après ce livre-là, il a été expliqué par le cheikh, puis retranscrit, et c'est ce qui a donné donc ce livre-là maintenant. Ouais. Alaykoum salam Hassan, mets le bâton par là, en bas là, comme ça on va. Oui, barakallahu fik. Ça va? Ça va bien, alhamdulillah, barakallahu fik. Oui, c'est vrai, mashallah. Donc, finalement, hein, Mukhtar est parti pour chercher la nourriture. Là. Oui. Ouais. Oui. Ouais, mais bon. C'est mieux que rien. Ok, donc on va commencer, Inch'Allah. On est arrivé dans le cours, comme on a dit au cours 14, mais on est arrivé dans le point où le Cheikh, après avoir expliqué le verset Ayatul Kursi, verset 255 dans Surat Al-Baqarah, il explique maintenant les choses bénéfiques, les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce verset-là. D'accord ? Donc, on en a expliqué jusqu'à date 11 parmi les points bénéfiques de Ayatul Kursi. Et on va continuer à expliquer d'autres points que le Cheikh il a mentionné et qu'il a énuméré à propos de Ayatul Kursi. Donc, le Cheikh il dit le point numéro 12: عموم علم الله لقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لأننا قلنا إن هذا يتضمن الماضي والحاضر والمستقبل، فالماضي في قوله وما خلفهم، والحاضر والمستقبل في قوله ما بين أيديهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le Cheikh explique que parmi les points qu'on peut tirer dans Ayatul Kursi, il y a la science, hein, la science globale, hein, général d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on le tire de la partie du verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. C'est-à-dire, il sait ce qui est devant eux et derrière eux. Et donc, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît parfaitement le passé, le présent et l'avenir. Et donc, quand on se réfère au passé, c'est dans la parole d'Allah, « وَمَا خَلْفَهُمْ ». « خَلْفَ » en arabe, ça veut dire « en arrière ». hein, derrière. Et ce qui est le présent et l'avenir, وَمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ الْأَيْدِي, c'est les mains. Et بَيْنَ, ça veut dire entre. Entre tes mains, c'est qu'est-ce qui est devant toi. En arabe, pour dire devant, on dit بَيْنَ يَدَيْ. Hein? On peut dire بَيْنَ يَدَيْ, ou bien on peut dire أَمَام. Donc ici, dans le verset, بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, ce qui est devant leurs mains, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans l'avenir, qu'est-ce qui est dans le présent et dans l'avenir. Donc ça, ça implique que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est complète. Hein? Et après, le point numéro 13, عَظَمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Donc, le Cheikh, il explique également que parmi les points qu'on peut tirer de Ayatul Kursi, il y a la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que, hein, ils ne peuvent rien cerner de sa science excepté ce qu'il veut. Et donc, quand on dit qu'ils ne peuvent cerner ou envelopper, ils ne peuvent le cerner dans sa science ou des choses de ce genre, ça montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa qusuru ilmi al-insan. Le point 14, c'est à quel point la science des hommes, elle est limitée par rapport à la science qui est, hein, complète et entière et parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa qusuru ilmi al-insan حيث لا يحيط بشيء الا بما علمه الله عز وجل. Donc la science de l'homme, elle est limitée parce que l'homme ne peut savoir quoi que ce soit de ce que Allah sait excepté, hein, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à l'homme. Donc l'homme ne peut apprendre que ce que Allah lui a enseigné et ils ne peuvent rien cerné de la science d'Allah excepté ce que Allah a voulu enseigner à l'homme. Le point numéro 15, إثبات الكرسي لقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وقد سبق لنا أن الكرسي ليس هو العرش إلا ولا العلم. Donc le point numéro 15, on a parlé de ce point-là déjà, c'est l'affirmation que le kursi, c'est pas la même chose que l'arsh en arabe. Le kursi, on a expliqué que c'est le piédestal ou le repose-pied qui est à la base du trône. Donc c'est pas le trône, c'est le repose-pied qui est à la base du trône, et on a expliqué que le repose-pied par rapport au trône, il est comparable à une bague ou un anneau qu'on jette dans le désert. Et on a expliqué que le trône par rapport au repose-pied, hein, donc c'est comme ce désert par rapport à ce repose-pied. Et si on compare le repose-pied à une bague et le trône à un désert, eh bien ça nous montre la grandeur du trône par rapport au repose-pied. Et donc c'est pour dire que c'est pas la même chose. وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et le repose-pied lui-même, il déborde des cieux et de la terre. Il dépasse les cieux et la terre. Donc si le repose-pied dépasse les cieux et la terre, et que le trône dépasse, hein, et est plus grand que le repose-pied, donc on voit à quel point يعني la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette créature-là, elle est immense. Et donc, le kursi, ce n'est pas l'arche, et ce n'est pas non plus la science. Parce que certaines personnes ont voulu interpréter l'arche en disant, ou le kursi en disant que c'est la science d'Allah. Mais, c'est clair que c'est pas, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est autre chose. Bien sûr. Allahu Akbar. Hein? Quand on dit Allahu Akbar, ça veut dire c'est mutlaq. Allah est plus grand que tout. Hein? Allah est plus grand que tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va on dit dans le Coran, يعني وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Donc tout ce qui existe, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va en faire une poignée dans sa main et il va les fermer dans sa main droite. Donc ça veut dire que, comme Abdullah ibn Abbas a dit, les cieux et la terre et tout ce que ça contient, et même le trône et le coursi et tout ça, c'est comme un grain de sable dans la main de l'un d'entre nous, comparé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout. Il n'y a rien qui se compare à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le Cheikh il dit « وَلَيْسَ عَظَمَةُ هَذَا الْمَخْلُوقَ الَّذِي هُوَ الْكُرْسِيُّ وَيَعْنِي عَظَمَةُ هَذَا الْمَخْلُوقَ الَّذِي هُوَ الْكُرْسِيُّ وَنَنْتَقِلُ مِنْ هَذَا إِلَى فَائِدَةٍ ثَانِيَةٍ وَهِيَ عَظَمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عَظَمَةَ الْمَخْلُوقَ تَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ الْخَالِقِ. Donc c'est ça. Le Cheikh il dit dans le point numéro 16, on peut voir à quel point la créature, elle est immense quand on regarde le trône. Et comment on a expliqué tout à l'heure que c'était le coursi, il était comme par rapport aux cieux et la terre, il est comme un désert par rapport à un anneau ou une bague qu'on jette dans le désert. Donc si le coursi c'est comme un désert, puis que les cieux et la terre c'est comme un anneau qu'on jette dans le désert, donc c'est tout petit, et ben ça nous montre la grandeur des créations d'Allah. Et le Cheikh dit on peut partir de ce point-là et aller vers un autre point qui est le point numéro 17, qui mentionne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que tout. Il dit ça nous indique la grandeur d'Allah. Et donc pourquoi? Parce que il dit si on connaît la grandeur des créatures, eh bien ça c'est une indication de la grandeur du Créateur. OK? Le point numéro 17, le point numéro 18, إثبات قوة الله عز وجل لقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقل عليه لا يثقل عليه ذلك وهي من الصفات المنفية من الصفات المنفية أو المنفية وإثبات العلم لأن الحافظ يحتاج إلى علم وإثبات القوة والقدرة على الحفظ فتضمنت هذه الجملة ثلاث صفات وهي من الصفات المنفية فلا يؤوده حفظهما لكمال علمه وقدرته عز وجل. Donc le Cheikh il dit, le point numéro 18, l'affirmation de la puissance et de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut tirer ça de la partie dans le verset de Ayatul Kursi lorsque Allah dit وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, c'est-à-dire le fait de garder et de préserver les cieux et la terre, ce n'est pas quelque chose qui est lourd pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas lourd pour lui, c'est pas difficile pour lui. Ça fait partie des attributs de la négation, c'est-à-dire de nier la lourdeur ou bien le poids ou la difficulté ou le fait que quelque chose soit difficile. Et ça implique quoi? La négation de la fatigue, la négation de la faiblesse, la négation de ces choses-là. Ça implique la science parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quelqu'un qui préserve et qui garde quelque chose, il doit avoir la science de cette chose, et en même temps ça implique l'affirmation de la puissance et de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être capable de le préserver et pour être capable de le supporter et de le garder. Donc cette phrase dans le verset, elle implique ces trois attributs qui sont incluses dans cette négation là. C'est-à-dire que le fait de préserver les cieux et la terre et tout ce qui existe, ce n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala à cause de sa science et sa puissance qui sont parfaites. Naam. Après, le cheikh il dit comme point numéro 19, إثبات العلو والعظمة. إثبات العلو والعظمة. لقوله عز وجل وهو العلي العظيم. فالعلو في قوله العلي والعظمة في قوله العظيم. وهذا العلو هو علو المكانة والشرف. فيكون علوا معنويا وعلوا ذاتيا أيضا. وقد اتفقت الأمة على إثبات العلو المعنوي لله تعالى، لكن اختلفوا في إثبات العلو الذاتي لله تعالى على طرفين ووسط. فإذا قال قائل كيف تقولون إن الله تعالى علي بذاته والله سبحانه لا يحيط به شيء من مخلوقاته؟ فنقول لأن الله أخبرنا بذلك، ونحن نقول هو علي بذاته عز وجل فوق كل شيء، ولا يلزم من إثبات العلو لله سبحانه وتعالى أن يكون محدودا تحيط به المخلوقات، لأن العلو فوق المخلوقات فضاء لا شيء فيه حتى يقال إن الله قد أحاط به شيء من مخلوقاته. يعني لو قدرنا والله ولله المثل الأعلى أن المخلوقات كلها بمنزلة البيضة المعلقة في الهواء، فالذي فوقها هو الهواء، وهي ليست محيطة بما فوقها، لأن ما فوقها عدم، فما فوق السماوات والأرض إلا العدم. إذن الرب عز وجل لا يحيط به شيء، لأن ما فوق المخلوقات عدم ليس فيه شيء حتى يحيط بالله عز وجل. ولهذا نقول إن الله فوق كل شيء بذاته، ولا يلزم من هذا القول أن يكون شيء محيطا به جل وعلا، وهذا واضح ظاهر. Donc le cheikh il explique maintenant la question du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux attributs, al-ulu wal-azama. Et c'est qu'est-ce qui est exprimé dans la dernière phrase dans le verset dans Ayatul Kursi, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa al-'aliy al-'azim. Wa huwa al-'aliy al-'ali yani min al-'ulu, ça veut dire celui qui est élevé, hein, le très haut, qui est au-dessus de tout. Al-'aliy, donc ça implique la hauteur, yani le fait d'être élevé. Et al-'azim yani le très grand, hein, celui qui est très grand. Et le cheikh explique que la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le fait qu'il soit très élevé et le très haut, c'est dans le statut et dans l'honneur et également dans sa personne, c'est-à-dire qu'il est élevé par lui-même au-dessus de ses créatures aussi. Et la umma est d'accord sur le sens abstrait, hein, symbolique, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé dans le sens qu'il est élevé en degré, en statut, en importance, en noblesse, yani ça c'est quelque chose que tout le monde est d'accord. Toutefois, il y a certains musulmans parmi les musulmans qui ont divergé sur la question du fait que Allah soit élevé par sa personne au-dessus de toute sa création, et ils se sont divisés en deux groupes qui sont dans des extrêmes et un groupe qui est au juste milieu. Donc le cheikh il va élaborer maintenant un peu plus sur ça, et il explique que si quelqu'un nous demande comment pouvez-vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala par sa personne est au-dessus de tout et au-dessus de sa création, Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui peut le cerner ou l'envelopper parmi ses créatures. Parce qu'il prétend que le fait de dire que Allah est au-dessus de sa création, que ça impliquerait qu'il soit enveloppé ou entouré de sa création. Alors, le cheikh, il dit, nous répondons à cela en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a premièrement informé du fait qu'il est au-dessus de sa création. Donc, c'est pas nous-mêmes qui l'avons inventé. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a dit ça. Deuxièmement, nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création par sa personne, au-dessus de toute chose, et que cela, le fait que nous affirmons que Allah est au-dessus de sa création, ça n'implique pas qu'il soit limité par ses créatures. Il dit parce que le fait qu'il soit élevé au-dessus de sa création, eh bien, au-dessus de sa création, il n'y a que le vide, hein, il n'y a rien. Et donc, il dit, donc, puisque il est au-dessus de sa création et que au-dessus de sa création, il n'y a que le vide, donc, on ne peut pas dire, dans ce cas-là, qu'il soit entouré par ses créatures. Et donc, le cheikh, il dit, c'est-à-dire que supposons que, il dit, yani walillah il mathalul a'la, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui appartient la meilleure comparaison, le meilleur exemple, c'est que les créatures, si on comparait tout ce qui existe, toute la création, à un œuf, hein, à un œuf. Imaginons que ça c'est un œuf. Eh bien, le cheikh il dit que si ça c'était la création, ok, elle tient dans le vide, hein, dans le néant. Donc, qu'est-ce qu'il y a autour? C'est du vide, hein. Et donc, il n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, si on dit qu'il est au-dessus de sa création, donc on peut pas dire que le néant c'est une chose qui cernerait ou envelopperait Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Puisque c'est du néant, c'est du vide, c'est rien. Donc, il n'aurait pas raison de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est cerné par sa création ou des choses de ce genre. Idan, le cheikh dit donc, dans ce cas-là, il n'y a rien qui cerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien qui l'enveloppe ou qui le limite parmi ses créatures. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, c'est lui qui est au-dessus de ses créations. Et il n'y a rien de ses créatures qui peuvent le cerner ou l'envelopper ou le limiter. Il dit, وَلِهَذَا نَقُولْ إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ بِذَاتِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مُحِيطًا بِهِ جَلَّ وَعَلَى وَهَذَا وَاضِحٌ ظَاهِرٌ. Donc, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toute chose par son être, et cela n'implique pas quoi que ce soit cerne Allah subhanahu wa ta'ala ou l'enveloppe, et ça c'est quelque chose qui est clair. Il donne un autre exemple. Il dit, ولذلك لما قدمت امرأة الجهم بن صفوان وأظنها إلى بغداد وقيل لها إن الله استوى على العرش فقالت أعوذ بالله محدود على محدود يعني يلزم من كونه مستويا على العرش أن يكون العرش محدودا لأن العرش معلوم أنه محدود فإن له قوائم كما جاء في الحديث ولكن الرب عز وجل لا يحيط به شيء إذن هو العلي بذاته حقا واعلم أنه قد دل على علوه بذاته الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة فكل الأدلة مطابقة على علو الله بذاته تعالى. Donc le cheikh il dit que lorsque la femme, il dit que lorsque la femme de Jahm ibn Safwan est venue à Bagdad, et Jahm ibn Safwan c'est une des têtes parmi les têtes des égarés et des hérétiques, parmi les gens qui ont ramené la négation des attributs d'Allah, hein, la négation des noms et des attributs. Donc il fait partie des premiers parmi les hérétiques qui ont dévié sur la croyance islamique et qui sont allés jusqu'à l'extrême de nier, hein, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants de l'islam de l'époque l'ont déclaré même un apostat, un mécréant à cause de ça. Et donc sa femme, elle, faisait partie de ceux qui avaient, disons, pris son idéologie et sa croyance. Donc lorsqu'elle a entendu quelqu'un qui disait ce que Allah a dit dans le Coran, Inna Allah istawa ala al-arsh, Allah s'est élevé sur le trône, c'est-à-dire il s'est élevé au-dessus du trône, elle a répondu en disant, A'udhu billah, mahdoudun ala mahdoud, c'est-à-dire, hein, je cherche refuge en Allah, comment peux-tu dire, hein, yani, que Allah est au-dessus de son trône, en voulant dire que ça impliquerait que une chose limitée soit au-dessus d'une chose limitée. Hein? Donc elle essaie d'utiliser la logique et la philosophie pour essayer de justifier sa négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est inacceptable, hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a informés du fait qu'il était au-dessus de son trône. Donc on n'a pas d'objection à avoir vis-à-vis de cette description que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait de lui-même. Et ensuite il dit, et cela impliquait pour elle que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé au-dessus de son trône, hein, que le trône soit limité, puisqu'on sait que le trône il est limité, il n'est pas infini, il a un début, il a une fin, et il dit que ça c'est clair dans la description qui a été mentionnée dans les hadiths, que le trône il a des pieds, hein, et ainsi de suite. Il dit, mais par contre Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui le cerne et il n'y a rien qui l'enveloppe, donc il est au-dessus de sa création, hein, par son être en réalité et en vérité. Et il dit, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit qu'il est au-dessus de tout et qu'il est élevé, c'est élevé par son être, et que ça c'est yani, établi par le Coran, par la Sunna, par le consensus des musulmans et par la raison et par la fitra aussi. Donc ça fait combien, hein? Le Coran, la Sunna, l'ijma, la raison et la fitra. 5 preuves, 5 éléments de preuve ou 5 sources de preuves qui ont établi et prouvé ce principe-là, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout, au-dessus de sa création. Et ces 5 sources de preuves sont les unes par-dessus les autres, c'est-à-dire elles se supportent les unes par-dessus les autres pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Et le cheikh maintenant il va énumérer ces différents exemples de preuves les unes après les autres. Donc on va commencer par les preuves du Coran. Le cheikh il dit, wa amma al-Qur'an فإنه تنوعت دلالته على علو الله فمرة يقول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى وقال تعالى وهو العلي العظيم ومرة يقول تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ومرة يقول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومرة يقول تعالى وهو القاهر فوق عباده بأنواع مختلفة من التعبيرات وكلها تدل دلالة واضحة قاطعة على أن الله بذاته فوق كل شيء. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les preuves du Coran, eh bien parfois Allah subhanahu wa ta'ala il dit, hein, pour prouver qu'il est au-dessus de tout, qu'il est élevé, qu'il est haut, parfois il dit, comme dans le verset dans surat Al-A'la, سبح اسم ربك الأعلى, que le nom de ton Seigneur soit glorifié le très haut, hein? Dans le verset 255 dans surat Al-Baqarah qu'on vient d'expliquer, il dit وهو العلي العظيم, العلي c'est le très haut. Donc, Al-Ali, c'est le très haut. Al-A'la, c'est le plus haut. Non. La forme A'la, c'est la forme superlative. Ça veut dire, la forme, c'est pour dire que c'est lui le plus haut. Il n'y a personne qui est plus haut que lui. Il n'y a rien qui est plus haut que lui. Donc, il est, des fois on dit, wa huwa al-Ali al-A'la. C'est lui le très haut et le plus haut. Hein, plus haut que tout. Et il dit, ensuite dans le verset 5, dans surat al-Sajda, yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. Hein, c'est lui qui gère l'affaire des cieux jusqu'à la terre. Hein. Et il mentionne parfois d'autres versets, comme par exemple le verset 10 dans surat al-Fatir, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. C'est vers lui que s'élève la bonne parole. والعمل الصالح يرفعه الى bonne action la fait monter vers lui. Hein? يعني il dit aussi وهو القاهر فوق عباده. Le verset 18 dans sourate Al-An'am, c'est-à-dire et c'est lui le contraignant au-dessus de son serviteur. فوق عباده. Donc il est au-dessus de son serviteur. Hein? Et donc tout ça, ça indique que Allah est au-dessus de sa création. Et on aurait pu rajouter à ça, qu'est-ce que les versets que le cheikh a mentionné, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, bar rafa'ahu Allahu ilayh, hein, wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa lakin shubbiha lahum. À propos de Isa, hein, alayhi salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais que cela leur a été, ce qui leur a semblé, et après il dit, mais plutôt c'est Allah qui l'a élevé vers lui. Hein, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah l'a fait monter vers lui. C'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé, il est au-dessus de sa création. L'exemple de ça aussi, il y a la preuve de yani al-Isra wal Mi'raj. Le Mi'raj du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter jusqu'en haut des sept cieux. Ça c'est une autre preuve. En ce qui concerne les preuves de la sunna, إذ وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره أما القول فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وكذلك قال صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وأما من فعله فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال في عرفة ألا هل بلغت قال الصحابة نعم قال اللهم اشهد يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يعني أي يردها إليه إليهم وأما إقراره فقد قال صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله فقالت في السماء فأقرها صلى الله عليه وسلم ولهذا قال اعتقها فإنها مؤمنة فسأل بأين الدال على السؤال عن المكان. Donc le cheikh, il mentionne les preuves de la sunna maintenant. Il dit, en ce qui concerne les preuves de la sunna, eh bien, on peut établir par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par son action et par son approbation que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création. Et parmi les preuves de ça, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sujoud, lorsqu'il fait le dua, hein, subhana rabbi al-a'la, سبحان ربي الأعلى. Donc on répète ça dans la prosternation, on dit louange à mon Seigneur le très haut. Mais en fait al-a'la c'est le plus haut. Donc louange à mon Seigneur le plus haut. Hein? Le plus élevé. Ça c'est la preuve qu'il est au-dessus de sa création. Également lorsqu'il mentionne dans un autre hadith qui est rapporté par Ad-Darimi et rapporté également par Ibn Khuzaima, selon Ibn Mas'ud رضي الله عنه il dit والله فوق العرش والله والعرش فوق الماء Wallahu fawq al-arsh. C'est-à-dire, le trône est au-dessus de l'eau et Allah est au-dessus du trône. Hein? Parce que entre le dernier des cieux et le trône, il y a on dit dans le hadith, il y a comme un océan ou une mer. Entre le dernier des cieux et le trône. Ouais, entre le septième ciel et le trône, il y a un océan. Oui, il y a un océan à cet endroit-là. Et après, ça y a le trône, et Allah est au-dessus du trône. Ouais, mais ça, c'est possible. Allahu a'lam. Parce que souvent, les gens, ils mentionnent ça. Et dans le Coran, je pense que c'est marqué, c'est écrit « وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ » hein? Ou bien c'est dans le hadith. Oui, c'est dans le hadith. Oui, ça c'est dans le hadith qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ » Après, le cheikh, il dit « وَأَمَّا السُنَّةِ » Donc on l'a dit ça. Maintenant, on a mentionné donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, parmi les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que lorsqu'il était réuni avec les sahaba le jour de Arafat, lorsqu'il a fait le dernier hajj, le hajj d'adieu, il a pointé vers le ciel avec son doigt et il a dit aux sahaba, est-ce que j'ai transmis, ai-je correctement transmis le message? Et les sahaba ont dit oui, hein? Alors il a pointé vers le ciel avec son doigt, il a dit, oh Allah sois témoin, oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin, et il pointait son doigt vers le ciel, hein, pour indiquer que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création, et puis ensuite il descendait le doigt vers les gens et il le pointait vers les gens, hein, en voulant dire yani, oh Allah soit témoin que ces gens-là ont témoigné que j'ai transmis le message correctement. Après, il dit également parmi les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la preuve de cela dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Selon Muawiyah ibn al-Hakam, à propos de la jeune fille qui était esclave, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, Ayn Allah, où est Allah? Alors, elle a répondu, dans les cieux, hein, dans le ciel, fissama, c'est-à-dire au-dessus de sa création, en pointant vers le ciel. Et il a approuvé sa réponse en disant, libère-la, c'est une croyante. Il a approuvé de sa réponse en disant, libère-la, c'est une croyante. C'est la preuve que, premièrement, on a le droit de poser la question à propos de Allah en disant, où est Allah? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Où est Allah ?» Donc si lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a posé cette question, c'est la preuve que c'est permis de la poser nous-mêmes, pour nous aussi. Et la réponse qu'il a donnée, c'était une approbation, le fait qu'il a dit « Libère-la car c'est une croyante », puisque si sa réponse aurait été incorrecte, il ne lui aurait pas dit hein, « Libère-la, c'est une croyante ». D'accord ? Et après il dit, le cheikh il mentionne, il dit wala yalzamu min ithbat Allah min ithbat anna Allah fi makan wala yalzamu min ithbat anna Allah fi makan an yakuna al makan muhitan bihi wa nahnu na'lamu anna ar rasul sallallahu alayhi wa sallam a'lamu an nas bil lughati al arabiyyah wa qad qala ayna Allah والذين ينكرون علو الله بذاته يقولون أين بمعنى من فيكون معنى أين أي من الله يعني ثم هو لا يطابق الجواب السؤال ولو قلنا أين بمعنى من ولكن جواب من الله أن تقول الله خالق السماوات والأرض مثلا فعلى كل حال نقول هذا الحديث فيه إقرار بأن النبي صلى الله عليه ففيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على علو الله عز وجل. Donc ici il dit que le fait qu'on implique le fait qu'on mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala soit dans un endroit ou dans un lieu, ça n'implique pas que ce soit un lieu ou un endroit qui enveloppe ou qui cerne Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'on sait très bien ici que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la personne la plus savante en langue arabe, et que lorsqu'il dit où est Allah, hein, eh bien ça veut dire où est Allah. Mais parmi les gens qui nient le fait que Allah soit au-dessus de sa création, ils disent que ici Aina ne signifie pas Aina, mais ça signifie Man. Ça veut dire que pour eux ici, ou signifie plutôt qui, hein? Et donc quand il dit Aina Allah, ça veut dire Man Illah, ça veut dire qui est Allah. Et donc le cheikh, il dit, si c'était vraiment ça, la réponse qu'elle a donnée ne correspond pas à la question, puisque s'il lui avait demandé qui est Allah, elle aurait répondu Allah est le créateur des cieux et de la terre. Elle n'aurait pas répondu Allah est dans les cieux, hein? Ça fait pas de sens de dire que ça veut dire, hein, qui, et non pas où. Également, en même temps aussi, ça a été expliqué également. Ça a été expliqué par Cheikh Mohamed Aman. Il expliquait ce point-là quand il parle de quand la servante ou l'esclave a dit An Allah fi sama. Il expliquait que dans la langue arabe, le terme sama, ça peut vouloir dire le ciel qui est au-dessus de notre tête, et ça peut aussi vouloir dire sama, tout ce qui est au-dessus. Parce que dans la langue arabe, tout ce qui est au-dessus de toi, tu peux l'appeler sama. Et le cheikh, il a mentionné l'exemple du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Nous avons fait descendre des cieux une eau. Et il explique que l'eau descend des nuages, pas du ciel, hein? Mais étant donné que les nuages sont au-dessus de nos têtes, donc on les appelle sama, et on appelle aussi la pluie sama en arabe, hein? Par exemple, si on dit à propos de quelque chose qui a été mouillé par la pluie, on dit asabaha sama, hein? Il a été touché par le ciel, ça veut dire la pluie, hein? Et donc en voulant dire que lorsqu'on dit que Allah fait sama, ça ne veut pas dire qu'il est dans les nuages ou dans la création, mais plutôt que Allah est au-dessus de nous, au-dessus des cieux, au-dessus de sa création. Après, le cheikh, il dit mas'alatun akhadha ba'duhum min hadha an al-a'mal la tadkhulu fil iman wa hadha laysa bisahih. فكلما ذكر الإيمان وحده دخل فيه الأعمال وكلما ذكر الإسلام وحده دخل فيه الأعمال وإذا اقترنا فسر الإيمان بما في القلب والأعمال بأنه في الجوارح فإن قال قائل وهو لم يسألها عن الأعمال بل حكم بإيمانها بالقلب فالجواب ليس بلازم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الشيء سأل لسبب خاص. فالرجل الذي قال أوصني قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فهل عدم الغضب أهم ما يوصى به؟ والجواب لا، فقرائن الأحوال تبين السبب لأنه خص هذا دون هذا. فلعل هذه الجارية عاشت بين الأصنام والأوثان التي تعبد وهي في الأرض، فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء، فعلم أنها نبذت الأصنام التي في الأرض، فيكون بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله. ومسألة الإيمان الآن شاعت بين الناس، وهي في الحقيقة خطيرة، لأنها ربما تؤدي إلى مذهب المرجئة ثم يزداد الناس فسادا إلى فسادهم. Donc le cheikh il explique ici, il dit que certaines personnes ont pris de ça que les actions n'entrent pas dans la foi. Et ça, c'est pas correct de dire ça. Hein? Donc, chaque fois que dans un texte on mentionne tout seul la foi, ça implique les actions. Les actions sont impliquées et rentrent dans la signification de l'iman. Et chaque fois qu'on mentionne l'islam tout seul, eh bien, ça implique également les actions. Et si on assemble ensemble la foi et l'iman et l'islam ensemble dans un même verset ou dans un même texte, dans un même hadith, alors dans ce cas-là, chacun aura une signification spécifique. D'accord? Donc, fussira l'iman bima fil qalb wal a'mal bi annahu al jawarih, c'est-à-dire si les deux sont mentionnés dans un texte, on va dire dans ce cas-là que l'iman concerne le cœur et qu'est-ce qui est dans le cœur, et l'islam concerne les actions du corps. Hein, ça c'est comme ça que les ulama l'ont expliqué. Il dit ici, si quelqu'un disait par exemple par la suite encore une fois que mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé au sujet des actions, il a jugé uniquement de sa foi par qu'est-ce qui est dans le cœur. Et le cheikh il répond, il dit yani, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessairement ça. Il dit pourquoi, parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demande à propos de quelque chose, des fois c'est pour une raison particulière. Il dit par exemple, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit donne-moi un conseil, hein, donne-moi un conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ne te fâche pas. Hein? Est-ce que le fait de dire à quelqu'un de ne pas se mettre en colère, est-ce que c'est ça la chose la plus importante qu'on doit donner à quelqu'un comme conseil? Et le cheikh il répond, il dit la réponse à ça c'est que yani, on se base sur les indices des situations qui clarifient la cause particulière yani, pour laquelle il a mentionné cette chose là et donc ici peut-être que l'esclave en question, elle a vécu parmi les idoles, hein, parmi les statues, parmi les idoles qui sont adorées, alors qu'elles sont sur terre. Ces choses-là sont présentes et elle les voit autour d'elle. Ah, je pense que la famille est arrivée. Eh oui, en effet. Oui. Puis tu peux ouvrir la porte aussi, si tu peux juste aller débarrer la porte. Donc, le cheikh explique, il dit, si cette jeune fille qui était une esclave, elle a connu les idoles qui ont été adorées en dehors d'Allah, qui sont sur terre, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose la question, où est Allah? C'est pour voir, est-ce qu'elle a compris qui est Allah, hein, et en même temps, où est-ce qu'il est? Si elle voit la différence entre les idoles et Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur, qui est au-dessus de sa création et non pas ces idoles-là. Elle sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas sur terre comme les idoles que les mushrikines adorent. Elle sait que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est au-dessus de sa création, hein, au-dessus des cieux. Et donc c'est pour ça que en disant que quand on lui pose la question où est Allah et que elle répond en disant fis sama, eh bien ça vient établir la preuve que elle a compris que Allah subhanahu wa ta'ala c'est, hein, il est au-dessus de sa création et que il n'est pas comparable à ses idoles sur terre qui sont adorées par les créatures, par les hommes, parmi les créatures. فعلم أنها نبذت الأصنام. Donc il a su par sa réponse, quand elle a dit qu'il était dans les cieux, elle a su par sa réponse que cette esclave a rejeté les idoles. Elle a renié les idoles et qu'elle sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est au-dessus de sa création. Et donc, quand elle a dit fils sama, c'était dans le même sens que le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, en ce qui concerne la question de la foi, eh bien, c'est quelque chose qui a été maintenant répandu parmi les gens. Beaucoup de gens maintenant, ils ont cette mentalité, la mentalité que la foi c'est quelque chose qui est dans le cœur et que pas besoin de faire les actions. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très dangereux en réalité, parce que ça amène les gens à tomber de plus en plus dans la corruption. Et c'est en fait la croyance de la secte des Murji'a, ceux qui excluent les actions de la foi. Et ça, c'est très très dangereux, c'est grave. Et le Cheikh, il dit: وَأَمَّا فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَلَا تَغْلُو كما فعل بعض الناس بحيث يمتحن الناس فيمسك واحدا منهم فيقول أين الله. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يدعو الناس يقول أين الله؟ أبدا، بل يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يحل لك أن تجابه في الدعوة. أي نعم، في الدعوة إلى الله فتقول أين الله. نعم، إذا كنت في قوم ينكرون وجود الله فيمكن لك أن تقول للشخص أين الله، فتعرف هل هو منكر أو مثبت، ولكن أن تجعل هذه هي مقدمة الدعوة إلى الله فهذا غلط عظيم. ولقد بلغني أن بعض الدعاة أول ما يسأل الإنسان يقول له أين الله، بل أعلمه التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه مسألة تأتي فيما بعد. وإذا علمت أن بقلبه أن الله في كل مكان، أو أن الله ليس فوق فحينئذ بلغه وبين له. Donc le cheikh il explique maintenant un point qui est relié à ce sujet. Il dit que dans la da'wa, lorsque tu appelles à Allah, il ne faut pas faire preuve d'extrémisme ou d'exagération. Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient des gens, ils veulent les tester. Hein? Et donc ils attrapent quelqu'un comme ça, puis ils lui disent « Où est Allah ?» Hein? Et yani, ils attendent de voir sa réponse. Est-ce que la personne va répondre correctement ou non? Et le cheikh il dit: et est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il appelait les gens à dire, c'est « Où est Allah ?» Hein? Ça c'est un qui ? C'est toi qui l'as amené ? Ah, c'est pour Abdel Hakim. Il n'est pas venu aujourd'hui. Naam. « Fayaqulu ayna Allah ?» Donc, est-ce que la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait quand il a appelé les gens à l'islam, c'est de leur dire « Où est Allah ?» Il dit non, jamais. Hein? Il a commencé en les appelant à témoigner que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, que Muhammad est le messager d'Allah. Et donc, tu ne dois pas, toi, commencer à appeler les gens en commençant en leur demandant « Où est Allah ?» Il dit... Par contre, il dit peut-être que si tu arrives chez des gens qui nient l'existence d'Allah, hein, peut-être que tu vas leur poser la question, tu vas leur demander où est Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. T'as besoin d'aide, Mukhtar? Ça va? Ok. Donc peut-être que tu vas leur poser la question où est Allah, pour établir est-ce qu'ils croient en l'existence d'Allah ou non. Mais tu ne vas pas faire de ça une introduction pour commencer la da'wah, hein, commencer à yani, dire aux gens « Où est Allah ?» Hein, est-ce que tu sais donc, ça, il dit, c'est une erreur de faire ça. C'est une grave erreur de procéder de cette manière-là. Il dit, parce qu'on m'a transmis que certaines personnes, parmi les gens qui font la da'wah, la première chose qu'ils demandent aux gens, ils demandent « Où est Allah ?» Hein? Non, il dit, apprends-leur le tawhid. Apprends-leur le témoignage de la ilaha illallah, de Muhammad Rasulullah. Hein? Mais ça, après, c'est la question « Où est Allah ?» C'est quelque chose que tu vas leur expliquer par la suite. Hein? Donc, yani, si tu sais par exemple par la suite que la personne elle croit que dans son cœur elle dit Allah est partout, hein, ou bien elle dit que Allah n'est pas au-dessus de son trône ou des choses comme ça, au-dessus de sa création, là tu vas lui expliquer et tu vas lui clarifier par la suite, parce que ça c'est incorrect, hein. Donc ça c'est un exemple à ce sujet là aussi. Ensuite, le cheikh, il mentionne une autre preuve, mais je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, puis on va continuer demain la suite de ce cours-là, inshallah, parce que c'est un sujet qui demande quand même assez de concentration, puis des fois quand on jeûne, on n'a pas toute l'énergie là pour être capable de se concentrer bien. Donc on va s'arrêter là. Puis déjà on a expliqué une bonne partie. Donc on continuera demain la suite de ça, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et puis après l'iftar, inshallah, si on a du temps encore, on fera le tafsir de Al-Baqarah, inshallah.